Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. J'aimerais souhaiter à l'équipe junior Les Éperviers de Normandin un joyeux 25e anniversaire. Je tiens également à remercier les fidèles supporteurs ainsi que les nombreux commanditaires qui, depuis plus de 25 ans, supportent cette équipe qui fait la joie des Normandinois et Normandinoises. Bravo également à toute l'équipe de bénévoles qui travaille sans relâche au succès des Éperviers Junior 2A. On va parler avec notre ami, le maire de Desbiens, probablement le maire le plus dynamique dans la région, M. Nicolas Martel. Salut Nicolas. Oui, bonjour M. Daniel. Ça va bien, Dan? Ça va bien, Nicolas. Et on va faire le bilan. Ça fait longtemps que je l'attendais, ce bilan-là du championnat du monde de pétanque qui a lieu au mois de septembre à Desbiens. Écoute, moi j'étais très fier de ce que le, très fier d'être un gars de la région puis du coup que vous aviez fait. Puis là, aujourd'hui, on va faire un peu le bilan de complet. Donc, le bilan complet au niveau financier, ça ressemble à quoi? Oui. Ben écoutez, on va arriver approximativement à un déficit d'à peu près 20 000 $ au final là, pour un événement qui a coûté à peu près au final 600 000 $ pas loin. Okay. Donc, un coup les revenus, dépenses balancées, on est bien fiers parce qu'on arrive... Il y a un manque à gagner seulement de 20 000 $. Puis tu sais, faut se dire les vraies choses. On n'a pas eu beaucoup d'aide, là, toute l'aide souhaitée qu'on aurait dû avoir dans un championnat international de ce calibre-là. On a quand même attiré 42 pays ici là, dans la région. On a donné à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean une visibilité incroyable au niveau international, au niveau de l'Europe et au niveau de plusieurs pays. Les retombées économiques ont été très, très, très importantes. Donc, on est bien fiers de l'événement, puis on a eu beaucoup, beaucoup de bons commentaires. Pour nous, c'est une réussite totale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser, c'est essayer de trouver la somme pour le 20 000. OK. Donc, actuellement, tu parles d'achalandage, de visibilité. Moi, je regarde juste sur YouTube. La vidéo a été diffusée quand même dernièrement. A été mis sur YouTube avec les finales. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, là, des amateurs, mais la diffusion avec les commentateurs toutes, vous êtes rendu à 9300 vues au moment où on se parle. C'est de l'écoute, c'est quand même de l'écoute, là. C'est du monde de l'Europe là, qui a entendu parler de Desbiens et cette vidéo-là va se poursuivre, va rouler tout le temps. Là. Donc, tu vois, là, juste en 2014, on est rendu, je pense, à au-dessus de 100 000 vues pour la grande finale de 2014. Donc, tu vois à peu près comment ça a été bon pour la région. Ben, ce qu'il faut savoir, là, nous aussi, tous les retours des pays qui nous ont recontactés, pour nous dire comment ils ont apprécié. Puis souvent, de dire que ça... Il y en a qui ont participé à 10 championnats du monde, puis ils nous ont carrément dit que ça a été le plus fantastique à laquelle ils ont participé à cause de l'accueil des gens du lac Saint-Jean, à cause de la proximité des personnes, les spectacles qu'on a mis ce soir avec Québec ici, ainsi de suite. Donc, toute cette partie-là a été vraiment appréciée par l'ensemble des joueurs de pétanque, puis des équipes qui les suivaient. Donc, nous également, le 2 semaines, on est allé à Montréal, on a été honoré à Montréal là, par la Fédération de pétanque canadienne là, au niveau de l'événement qu'on a fait. Donc, ils nous ont remis... Des beaux tableaux avec des photos du championnat. C'est sûr que c'est des retombées intéressantes. Puis ce qu'on essaie de faire présentement à Desbiens, c'est d'essayer de, au moins aux 2 ans d'avoir un tournoi de titre international qui reviendrait. Okay. Le tournoi serait comme dans un open là, avec des bourses pour amener des gros joueurs à travers le monde de la pétanque. Parce que présentement, ce qu'on voit en Asie, ça devient un sport qui est très, très, très fort également. Donc, la pétanque va prendre de l'ampleur. Puis on sait qu'en 2024, elle va peut-être même faire son entrée aux Jeux olympiques. Oui, il y a une grosse représentation là-dessus. Là. Oui. Oui, il y a quand même une très, très grosse représentation. Dis-moi, on va revenir sur le 20 000 $. C'est-à-dire, on va faire des activités. On va faire quoi comme activité? Parce qu'on veut, ce qu'on veut regarder, nous... Pour combler ça, le 20 000 $. C'est regarder... Là, comment est-ce que je peux faire peut-être pour le manque à gagner? On va solliciter, on va relancer certains ministères, ainsi de suite, là, dont le gouvernement fédéral et M. Richard Hébert, là, qui ont pas contribué à l'événement. Là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est sûr que, selon moi, je l'ai toujours dit, je le redis, c'est inacceptable que le Canada n'ait pas pris part à un événement qui reçoit 42 pays. On a eu beaucoup de misère aussi avec les visas. Donc, ce qui fait en sorte que ces visas-là, moi, ils m'ont coûté les 6 pays qui n'ont pas pu venir. On avait des sommes qu'ils devaient nous payer, eux, pour les chambres d'hôtel qu'on a fallu qu'on paye nous-mêmes. Donc, ça nous a causé des pertes aussi à partir de là. Donc, c'est toutes des choses qu'on va essayer de regarder avec ces institutions-là, là, pour faire des réclamations. Donc, si on est capable de ramasser le 20 000 avec les différents ministères, je pense que là, ça va fermer le dossier. Nous, l'important, ce n'était pas de faire d'argent, c'était d'arriver dans nos frais. C'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines semaines, dans envoyant des réductions de comptes à ces ministères-là. Il doit sûrement avoir des budgets discrétionnaires. Richard Hébert doit sûrement avoir un budget discrétionnaire. Ce qu'on mentionne, c'est qu'au niveau fédéral, il n'y a pas de budget discrétionnaire au niveau des députés. Écoutez, ça c'est au niveau provincial, il y a des budgets discrétionnaires, mais ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que il y avait au niveau fédéral un programme dans lequel notre activité cadrait à 100%. Ils appellent ça activité internationale, donc c'est comme pour les activités vraiment qui reçoivent des pays et ainsi de suite. Donc on cadrait très très bien dans ce. On a tout fait de la demande, on a tout fait des affaires. Puis au final, ils nous ont dit qu'ils nous ont sorti une raison pour dire qu'on n'était pas retenu. On la comprend pas encore. Là. Mais ce qu'ils nous disent, c'est des sports de boule au Canada. Les sports de boule, ça a l'air qu'ils sont vraiment compris là-dedans. Mais vu que c'est seulement au Québec, puis pas dans le reste du Canada, qu'il y a la partie pétanque, c'est seulement, ça a l'air, à travers le Québec, à travers le Canada, que je veux dire que les autres ne vivent pas dans la pétanque, puis nous, c'est seulement le Québec. Qui ne rendent pas la pétanque comme un sport de boule. Donc, c'est quand même peu compréhensible. Là, parce qu'au Québec, il y a près de 300 000 adeptes de pétanque. Donc, moi, ça me questionne fortement. Donc, nous allons faire renvoyer cet enfant-là, ces affichés, auprès des différents ministères. Puis là, on espère qu'il y en a qui vont adhérer dans notre demande. Est-ce que Richard Hébert a été contacté déjà? Ben, tu le contactes en premier. Ah, M. Hébert, là, lui, a été contacté là, avant l'événement. Mais là, présentement, sur ce que tu vas faire, là, ce que non, tu viens de me dire. Non, présentement, il n'a pas été contacté encore. Donc, c'est sûr que là, on est en train de finaliser le dossier. Parce qu'on a une réduction de compte aussi à faire au ministère ici, qui est le ministère des Loisirs, qui nous avait donné 115 000 $. Donc, nous autres, on a eu une première partie du paiement. Il nous manque une partie à aller chercher. On aurait demandé tous les documents pour eux. Là, c'est quand même assez complexe. Donc, un coup, ça va être terminé. On va envoyer nos réductions de compte. On va contacter M. Hébert et son cabinet pour regarder là s'ils sont capables de faire de quoi pour justement compenser là, ce qui est arrivé au niveau du championnat international de pétanque. OK. Dis-moi maintenant, parle-moi du côté de l'héritage de ce que va laisser les championnats du monde de pétanque. Tu as mentionné tantôt, on va essayer d'avoir une compétition internationale de pétanque aux 2 ans. Est-ce que ça pourrait être une Coupe du monde de pétanque? Est-ce que ça pourrait être les championnats juniors de pétanque? Est-ce que ça existe, les championnats juniors de pétanque? Ben écoutez, nous, c'est sûr que présentement, ça s'arrête de faire, là. On est en train de faire une genre de patinoire couverte, elle est bien. Une patinoire couverte qui ne sera pas nécessairement chauffée. Ce qu'on veut faire, c'est un genre de dôme. Là. Puis, que les saisons que la patinoire ne perd pas, on fera un genre de boule d'eau. Donc, le boule d'eau serait vraiment axé sur la pétanque. Donc, c'est le type de boule d'eau qu'on voit dans des grands centres. Donc, à partir de là, on pourrait recevoir vraiment des beaux événements de pétanque. Avec des estrades et toute l'installation là, donc je pense que ce centre multisport là allierait la jeunesse et peut-être des fois des personnes plus âgées, donc ça pourrait faire un centre multigénérationnel mais au niveau du sport. Donc ça c'est intéressant. C'est là-dessus présentement que je travaille pour justement continuer, quand tu parlais de l'aigle, continuer ce bel engouement là que la pétanque a donné là des biens là. Puis, je peux vous dire qu'à travers le Québec, puisque je prends les journaux comme La Presse, le journal de Montréal, ils ont couvert très, très bien l'événement. Puis, il y a des gens de Québec-Montréal qui nous demandent si on va avoir un événement. Moi, je leur ai expliqué que le championnat du monde, on ne va pas l'avoir parce que ça passe une fois dans une vie, comme on peut dire. Mais, tu as effectivement raison, Dan, quand tu disais tout à l'heure qu'il est possible peut-être de faire un championnat de coupe du monde, là, mettons, 2 ans, là, sans avoir sans s'appeler la avec le mondial, nous, on pourrait avoir un challenge qui est l'invitation.